50 languages. 74. 74. 74. طلب شيئا. Demander quelque chose. Demander quelque chose. أيمكنك قص شعري؟ Pourriez-vous me couper les cheveux? Pourriez-vous me couper les cheveux? رجاءً ألا يكون قصيراً جداً. Pas trop court, s'il vous plaît. Pas trop court, s'il vous plaît. من فضلك أقصر بقليل. Un peu plus court, s'il vous plaît. Un peu plus court, s'il vous plaît. هل يمكنك تحميض الصور؟ Pourriez-vous me développer les photos? Pourriez-vous me développer les photos? الصور مطبوعة على القرص المدمج. Les photos sont sur le CD. Les photos sont sur le CD. الصور في آلة التصوير. Les photos sont dans l'appareil photo. Les photos sont dans l'appareil photo. أيمكنك إصلاح الساعة؟ Pourriez-vous me réparer la montre? Pourriez-vous me réparer la montre? الزجاج مكسور. Le verre est cassé. Le verre est cassé. البطارية فارغة. La pile est vide. La pile est vide. أيمكنك كي القميص؟ Pourriez-vous me repasser la chemise? Pourriez-vous me repasser la chemise? أيمكنك تنظيف السروال؟ Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? أيمكنك إصلاح الأحذية؟ Pourriez-vous me réparer les chaussures? Pourriez-vous me réparer les chaussures? أتسمح لي بشعلة نار؟ Pourriez-vous me donner du feu? Pourriez-vous me donner du feu? ألديك كبريت أو ولاعة؟ Avez-vous des allumettes ou un briquet? Avez-vous des allumettes ou un briquet? ألديك منظفة سجائر؟ Avez-vous un cendrier? Avez-vous un cendrier? أتدخن سيجارة؟ Fumez-vous des cigares? Fumez-vous des cigares? أتدخن السجائر؟ Fumez-vous des cigarettes? Fumez-vous des cigarettes? أتدخن النرجيلة؟ Fumez-vous la pipe? Fumez-vous la pipe?